Dans l'espace du 24 juin au 5 juillet, vient d'être constitué le comité de souvenir du camarade Kim Il-sung en Russie, les comités de souvenir du président Kim Il-sung en France et au Koweït, le comité indonésien et le comité national roumain pour le souvenir du président Kim Il-sung, le comité thaïlandais pour le souvenir de son excellence Monsieur le président Kim Il-sung et le comité du Parti socialiste uni de Syrie pour le souvenir de son excellence Monsieur Kim Il-sung. Les comités de souvenir ont décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles pour exalter la vie révolutionnaire et les exploits immortels du président Kim Il-sung à l'occasion du 22e anniversaire de son décès. Par ailleurs, la cérémonie de constitution du comité de souvenir du camarade Kim Il-sung a eu lieu le 3 juillet à la Fédération internationale des associations d'études des jiu-jitsu et de la politique de Sun-gun de l'Europe Est et de l'Asie centrale.